Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Netflix. Moi, je me dirige toujours vers Tori, qui est l'autre là. Bayou. François Bayou. Je retiens. Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives à leur niveau? Moi? Ouais. Je saisis Bayou par la tête. Ok. Je le soulève et par le crâne. Ok. À ce moment-là, d'ailleurs, vous sortez tous vos masques, j'imagine, et vous commencez à les occuper. Je pars du principe en plus que Efflux n'a pas lancé les fumigènes après coup, mais a anticipé le truc en voyant que le truc dégénérait. À moins que Efflux, tu me dises que tu as particulièrement mal anticipé ce qui se passait, mais je pense qu'il n'y a pas de raison vu que le truc était prévu d'avance. Bon, voilà, on est d'accord. Donc le gaz était déjà en train de se répandre au moment où, où vous avez. Toi, je pense, Jacquard, où tu as commencé à te lever de manière pas trop assez subtile. Du coup, tu le saisis par la tête, c'est ça? Oui. Ok. Tu commences, tu vois, tu l'attrapes, tu vois qu'il commence à crier. Ok. Du coup, je le saisis par la tête et j'ai mes doigts j'ai bien sur ses tempes, bien près de là, et je lui balance espèce d'imbécile, tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. Je suis la vengeance, je suis la justice, tu n'es qu'un rat et tu vas finir comme les rats. Et je t'éclate les yeux. Tu commences à l'attraper et tu vois qu'il commence à hurler. Ah, arrêtez, on peut négocier. Non, je lui éclate la tête. Ok, vas-y, fais-moi un jet de force pure. Enfin, ouais, même pas, ouais. Ouais, tu commences à saisir, tu vois qu'il commence à hurler. Évidemment, ça alerte les gardes aériens parce que là, il se met à hurler comme pas possible. Vous voyez cependant autour de vous Callisto commencer à tomber. Ainsi que Verican, pareil, voilà. Vous avez eu un moment pour préparer votre truc, de toute façon là ça fait 2 semaines, le plan que vous l'avez en tête, donc j'imagine que le truc il est bien dosé comme il fallait. Verican qui pareil s'écroule sur ses petites collations. Tout le monde dans la salle, sauf Zoé. Eh oui, c'est dans son design. C'est sur le personnage Zoé qui vous fait face avec son masque également, puisque Zoé est toujours également équipée d'un masque à gage, d'un gaz, pardon, à gage. C'est le moment où, maintenant équipé du masque à gaz que Efflux m'a sûrement passé, je lève mon fusil mitrailleur dans sa direction. Ouais, ok, parfait. Très bien. Parfait, tu commences à diriger ton arme dans sa direction, tu commences à dégainer, elle est également évidemment équipée. Je pense qu'on va faire un petit test d'initiative, hein. Psyché, réaction. Et les autres, vous allez pouvoir me dire aussi tout ce que vous faites. Donc je considère qu'actuellement Jacquard est en train de dégommer Bayou qui essaie de sortir. Oui. Et Flux, toi tu as répandu tout le gaz, mais tu as peut-être envie de faire autre chose. Là de, et de... toi, Torik, t'es un peu loin, t'es un peu en train d'agir, mais tu vas pouvoir aussi faire quelque chose quand même. Oui, parce que là, du coup, mon action qui avait été d'entraver la sortie de Jacques. C'est de, ça, c'était un petit peu avant. De Mayu est un succès. Et maintenant, finalement, j'ai pu à m'occuper de lui. Donc, moi, je veillerai principalement à empêcher si d'autres essayent de sortir. Ok. Tu fais quoi, par exemple? Tu bloques l'accès aux portes? Ouais, voilà. J'ai 4 réussites, un déclencheur pour Mokosh. Ouf. Autant d'habitude, je fais des jets de merde, autant je vais pas vous mentir, la Zoé. Bon, en même temps, elle a 10 dés en initiative. Enfin, 7 dés plus la 3 points d'ego. En effet, du coup, avec Zoé, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réussites, dont 4 déclencheurs. Elle va donc jouer deux fois, et elle va jouer en première. Zoé, qui est équipée d'un fusil d'assaut également, d'un pistolet et d'un sabre d'officier. Mais Zoé, tu me dis qu'elle a quelque chose sur le visage ? Elle a un masque à gaz également. Ah oui, d'accord. Elle l'avait pas pendant que vous discutiez, mais elle l'avait sur elle et dès qu'elle a compris ce qui se passait, elle l'a équipée. D'accord. Donc là, elle est par rapport à nos positions, elle est comment, Zoé ? Je la voyais un peu en coin de table. Tu te souviens, vous étiez un petit peu à sa droite et à sa gauche. Elle est un peu... Ouais, mais moi, je me suis levé. Oui, alors toi, par contre, du coup, t'es à l'opposé. Toi, t'as carrément traversé l'autre bout de la pièce pour atteindre l'une des portes. Zoé s'équipe de son arme à feu. Elle dégaine son pistolet et elle va tenter de tirer une balle. En toute logique, actuellement, la menace la plus dangereuse, ça reste quand même Mokosh. Fais-moi... Mokosh, est-ce que... Quand tu dégaines ton arme... Non, mais ça se voyait, t'avais un fusil d'assaut, ça se voyait. Donc ça va être sur Mokosh. Mokosh, est-ce que tu fais une défense active ou passive? Parce que tu tentes de te jeter sous une table ou tu t'en fous et tu tentes de la shooter également? En fait, ça... Est-ce que j'ai le temps de voir qu'elle va me tirer dessus avant que je puisse lui tirer dessus ou pas? Du coup, j'étais en idée... Je pense. Déjà de Parce que, en fait, les deux plus grandes menaces... C'est vous deux. Il y aurait Jacquard aussi éventuellement, mais lui il est à l'autre bout de la pièce, il est au corps à corps avec. Il a pas une arme à feu donc il représente pas un danger direct. Les autres sont en train de tomber et sinon il y a Efflux, mais Efflux n'a pas de fusil d'assaut. Enfin, tu vois, Efflux c'est un chroniqueur, c'est pas... il se bat pas sur le même terrain. Donc. Oui, donc en vrai c'est évident qu'elle va te tirer dessus. Lito, comment vous l'avez équipé avant tout, Lito? Est-ce qu'il a une arme aussi? Est-ce qu'il a son épée? Est-ce qu'il a... Si je peux parler au nom de Lito, je pense que c'est quand même quelqu'un qui, si je me souviens bien, a comme signe astrologique le traditionaliste. Ouais. Je pense qu'il est resté anabaptiste en termes d'équipement et il a pas pris ce qu'on lui donne. Ok, ouais, parfait. Voilà. Donc c'est toi qu'elle vise. J'essaie de me mettre à couvert avec la table ou un truc comme ça. Ok, très bien. Tu vas me faire un test. C'est agilité, mobilité. Agilité, donc, mobilité. Compétence dans laquelle tu as 4 dés. Je peux s'ajouter des points d'ego ou pas aussi? J'en ai pas utilisé dans cette session. Ok. C'est que moi j'ai oublié mon bonus d'ego, je l'ai jeté, mais ça n'a rien donné plus. Ok. C'est une réussite, c'est tout. Ok. Tu commences à essayer de te jeter sous la table, puis tu te fais transpercer par une balle. Tu sens une douleur intense. Malheureusement, t'arriveras pas à l'esquiver, celle-là. Le fait que probablement que tout est un peu débordé, pareil, plutôt que prévu, un peu à l'image de la Révolution à cause de Bayou, fait que vous les avez pas totalement pris par surprise, pas autant que ce que vous auriez aimé. Et tu vas prendre 8 plus 2 déclencheurs, 10 points de dégâts. Je crois que je suis de nouveau. À ce moment-là, tu n'as pas le recul de savoir où tu as été blessé. Tu sens juste une intense douleur. Je sais pas si tu passes un peu dans ta frénésie. Tu disais quoi, pardon? Je sais pas si mon armure permet d'éviter des dégâts. Je sais plus comment on jouait ça. Parce que j'ai une armure en cuir. C'est vrai, normalement, techniquement, oui, c'est ça, c'est un dégât, en effet. Je vais te passer à 9 blessures. Ah, je suis pas mort. Non, de toute façon, il te reste encore les points de traumatisme d'ailleurs. Mais oui, en effet, t'es pas bien. Mais sur le coup, t'as pas le temps de tilter ce qui se passe. Qui d'autre fait quoi? Ah non, elle a une deuxième action. Et la deuxième balle, elle va la tirer sur Lito. Cette fois-ci, elle aura pas le bonus des points. Elle elle est en mode film d'action. Genre, elle tire deux balles à la suite sur deux personnages de suite, comme ça. Ouais. Ouais. Surtout que Clito, je parle du principe que lui va probablement se lever pour essayer de la découper avec son espadon, malgré son âge qui commence à être un peu avancé. Et ça passe, parce qu'il a plus de déclencheur. Donc lui, par contre, c'est un échec. En effet, le passage de l'un à l'autre, il y a probablement une chaise qui a volé dans sa direction et la balle part absolument nulle part. Du coup, c'est à nous de savoir si on fait quelque chose ou pas, là, les autres. Ouais, dites-moi ce que vous faites, ouais. Bah, moi, je pense que... Je pense qu'en tout cas, c'est Mokosh qui agira en première, mais vous pouvez donner vos actions. De toute façon, on les terminera dans l'ordre chronologique. Ouais, bah, après, moi, si je suis un peu loin de... Finalement, c'est Zoé qui est la plus dangereuse, parce que les autres, ils sont en train de tomber. Ah oui, les autres sont... Voilà, donc... C'est sûr, ils sont pas encore endormis, ils sont en train de tomber totalement drogués, donc voilà, ils vont pas. Parce que par exemple moi par rapport à Zoé dans l'espace, je suis où? Bah je t'ai dit t'es à l'opposé en fait, il y a la grande table entre vous. Toi t'es à l'opposé du coup au niveau de la porte avec Bayou. Ouais, donc en gros pour schématiser, si Zoé est au centre, Mokosh est sur la gauche par exemple et moi je suis sur la droite. Non, Mokosh se trouve entre toi et Zoé. Ah, donc en gros, je suis derrière Mokosh, ouais. En fait. Il faudrait que je traverse toute la pièce pour arriver jusqu'à elle. Ce c'est qui ça. Est en je soi vais faire un petit plan s'il y a besoin. Hop là. Je vais vous faire un petit plan, on va faire une petite battle map. Ouais, non, du coup, c'est... Ouais, sur le miro, je vais vous faire un carré, le carré c'est la table. C'est incroyable, on fait des battle maps dans Dead Genesis maintenant. Les autres, d'ailleurs, en attendant, je vous laisse me dire si vous avez une idée de ce que vous souhaitez faire. Moi, de mon côté, je pense que je vais tirer à mon tour, en fait, même si je suis complètement en train de tomber au sol. J'essaye de... Ok. Alors, comme d'habitude, quoi, peu importe si je meurs. Parfait, vas-y. Et du coup, ouais. Alors, je sais plus avec quoi je suis censé tirer. Agilité, arme à projectile. Si tu avais dépensé des points d'ego pour l'initiative, tu en as autant en bonus pour... Ouais, je vais pas faire ça pour l'initiative. Une réussite dans un déclencheur. Ok, donc elle est en défense passive puisqu'elle a utilisé ses deux actions, donc ça passe. Mm-hmm. Tu commences à balancer une rafale qui commence à la traverser de part en part. Avec le recul... T'as pas encore forcément l'habitude, l'arme part rapidement et les dernières atterrissent dans le plafond. Ça décroche derrière une espèce de chandelier qui était accroché à l'héritage de Hamza, qui va s'écrouler au sol à ce moment-là, juste à côté. Elle va perdre un certain nombre de points de vie. Ok, 11 points de dégâts. T'as fait des déclencheurs ou pas? Non. Okay. Attends. Je sais même plus. Je pense pas. Son uniforme moteur d'officier et respirateur, ça fait 3 d'armure. Et perd donc 11 moins 3, donc 8 points de vie. Ok. Tu vois qu'elle se prend une rafale de balles, honnêtement, peu arrêtée par son équipement. Malgré tout, elle tient debout, puisqu'elle s'écroule pas au sol comme l'aurait fait un humain lambda, tu vois qu'elle continue. Toi, du coup, Efflux, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, Etorix, si t'as une meilleure idée aussi. Ah, moi, en fait, je sais ce que je vais faire. Clairement, avec tout le bordel qui se passe, je suppose que les murs ne sont pas insonorisés et capitonnés. Donc, s'il y a des gens derrière, notamment des gens de ce que j'ai compris, derrière la porte d'Hamza, de Bayou, il y avait des fléaux. Donc, je vais bloquer la porte. Enfin, ouais, surtout des cadets. Ok, d'accord. Ouais, bien vu. Très bien. Ok, ouais, donc tu bloques la porte. Ouais. Tu récupères un truc. Parce qu'en effet, ça commence à taper derrière, là, surtout que tout se passe en même temps, mais on y est. Il y a eu une rafale quand même. Sachant qu'il y aura d'autres portes à bloquer. Tiens, je vais vous faire des petits carrés ici pour les portes. Il y en a que 3, parce qu'après, l'autre, c'est une espèce de balcon. Voilà, je bloque la porte où était Hamza. Bayou, putain. Ou presque, je pourrais presque rajouter le « Non, Zoé, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle !» Vas-y, fais-moi un test de charisme. Mais non, mais j'ai pas de charisme, merde. Ouais, mais bon, ouais, en même temps, En même temps, elle est un peu grosse, celle-là aussi, quand même. C'est pas le move le plus. Ouais, voilà. Non, mais ils sont. Ils savent qu'il se passe quelque chose, donc après. Je sais pas si c'est au tour de Flux après ou à moi d'abord, mais il a. Enfin, du coup, il a mis ce qu'il voulait faire dans le chat. Ok, parfait, très bien. Donc, oui, en effet, fait, Flux, si tu es son vocoder, ça va être un test de Intellect Engineering plus Psyché Domination. Et ça va attaquer les points d'égo. Bon, je considère que vous aviez debout des boules caisses prévues à l'avance, hein, vu que bon, vous avez prévu de faire le guet-apens. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que les points d'égo, j'en ai combien ? Il veut savoir combien de dés, donc répète les. C'est quoi, alors, Intellect Engineering plus Psyché Domination. Intellect 3, 5, plus Psyché Domination, t'as dit ? Ouais, c'est ça. Attends, mais c'est un G qui est énorme. Non, c'est 2G séparés. Ah, c'est 2G, ok. Ouais, ouais, c'est toujours en 2G, ouais. Ouais, mais c'est... 2G avec 5D. Bon, il y a du déclencheur. Ok, donc première passe, ça passe, et en plus, ça fait 2 déclencheurs. Ah, dommage, pas sur le deuxième. Mais ça passe aussi. Ok. D'un coup, une espèce de bruit tonitruant inonde la pièce, les vitres qui se trouvaient sur le côté au niveau du balcon implosent totalement sous l'espèce d'onde de choc. Vous, malgré, même si vous avez des bouchons d'oreilles, là, il y a des littéralement des balles qui viennent d'être tirées à quelques mètres de vous, plus ensuite le vocodeur de Flux, vous savez que là, l'audition, elle a pris un coup. Hein. Mais bon, sur le coup, avec l'adrénaline, vous ne faites pas forcément gaffe. Toi, Jacquard, qu'est-ce que tu fais ? Pour l'instant, t'as Bayou qui est en train d'essayer de se débattre, mais franchement, il peut rien faire. Quoi. T'es dans son dos, t'as un bras mécanique, t'es en train de le défoncer le crâne. J'ai fait un succès, hein, d'ailleurs, pour okay, ma supercherie. Top. Bon, la supercherie, tu sais que ça marchera pas, probablement pas, mais au moins, t'as bloqué la porte. Du coup, ouais, Jacquard, qu'est-ce que tu fais ? Tu me disais ? Du coup, moi... Donc il est mort, Bayou, Là il est pas mort, mais t'es en train. Ouais, tu veux vraiment lui exploser le crâne ? Ah oui, je vais exploser le crâne. Bah, refais-moi un test de force. Alors, 4 réussites dont 3 déclencheurs. Bon, ok. Tu commences par lui crever les yeux, ça commence à inonder la porte de sang. Tu sens son crâne se compresser sous le poids de ta main, notamment mécanique. C'est derrière de ce côté-là que ça va commencer à se briser en premier. T'entends des espèces de craquements, mais horribles. Toi, d'ailleurs, Tori, qui est à côté, t'entends parler de ce bruit qui est immonde. Même toi, qui as pourtant l'habitude des opérations chirurgicales, t'es vraiment dégoûté par ce son, espèce de organique, osseux. Et d'un seul coup, vous entendez une espèce de crac, et vous entendez une espèce de hurlement qui s'arrête quasiment aussitôt. Et la carcasse de Bayou qui s'écroule contre la porte qui tentait d'ouvrir. Et du coup, on va pouvoir retourner autour d'initiative. Parce qu'il me semble que oui, c'est à tout le monde à jouer. Donc, pour rappel, ouais, Genesis, c'est un tour d'initiative par tour. Là, tout le monde va pouvoir participer. Donc, je vous laisse tous faire vos petits tests. Pour rappel, vous pouvez dépenser de Lego. Je pense que c'est l'occasion. Hey. Je vais mettre de Lego, moi aussi. Ouais. Zoé va le faire aussi. Il n'y a pas le droit. Wouah! J'ai fait vachement moins bien pour le deuxième tirage. Pourtant, j'ai autant d'eux parce que j'ai redépensé 3 points d'ego. De mon côté, c'est 2 réussites, 1 déclencheur et 4 têtes de mort. Ok. Je vais mettre 2 d'ego. Ok. Bon. Je vais les déduire. 2, 3, 4. 4 réussites, dont 1 déclencheur. Flux, de ton côté, tu vas jeter psyché action 6D. Plus autant que tu veux, en fonction du nombre d'ego, jusqu'à 3. D'ailleurs, Moka, je te rappelle, tu as le droit de dépenser ton ego que tu veux, puisque tu as perdu plus de la moitié de tes points de vie. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais je le fais. Mais tu nous as pas. Ouais. Ah, t'as reperdu. Tu nous avais reboosté et t'as reperdu encore des points de vie là ? Oui, ouais, là, la Moka, elle s'est pris une balle. Ouais, elle m'a basiquement presque fait un headshot, quoi, la meuf. Oh là là. Et là, je considère que Zoé va perdre du temps, et c'est pour ça qu'elle joue en dernière, c'est parce qu'elle va justement récupérer son fusil d'assaut cette fois, donc elle va pouvoir viser plusieurs personnes. De toute façon, je reste focus sur ma porte, donc c'est pour ça que je fais rien. Okay. Je bloque. Toi, ouais, Torik, est-ce que tu veux bloquer une autre porte ? la considère que celle-ci elle est bloquée, genre t'as mis un truc dessus, ils sont en train de taper, elle va pas être bloquée. Ah bah oui, pendant bah dans ce cas-là mais... oui, je vais à, une, à la deuxième porte la plus proche. Ok d'accord, ouais ça me va, très bien. Tu vas pouvoir faire quand même un test de body athlétisme pour voir si tu cours plus vite que eux qui ont aussi compris qu'elle était bloquée et qui vont tenter de faire le tour. Ok. Et de prévenir les autres. Avec une difficulté de 2. Et toi, Jacquard, t'as fait combien ? Pendant qu'il fait son jet, j'ai fait 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Ça passe, la deuxième porte est verrouillée. Tu te précipites sur la deuxième porte. Tu vois qu'au moment où tu commences à arriver à son niveau, ça commence à forcer derrière, à essayer de l'ouvrir. Mais pareil, t'arrives à la forcer, tu récupères pareil... une espèce de chandelier qui se trouvait sur le côté et tu arrives à plus ou moins verrouiller l'accès. Ok, de réussite. Ma prochaine cible sera donc la prochaine porte. Et Flux, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu refais ton flash? Est-ce que, enfin ton bruit strident? Est-ce que tu fais quelque chose d'autre en particulier? Ok, bah je te laisse refaire ton test de vocodeur, Flux. Premier test, ça passe. Ah, deuxième test, ça passe pas. Ok, tu commences à essayer de bidouiller ton truc. Malheureusement, là, le vocodeur est un peu, on va dire, en train de saturer. T'arrives pas à amplifier le signal plus que ça. Malheureusement, ce sera un échec de ton côté. À ce moment-là, Mokosh, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu retentes de balayer avec ton... Non. Parce que je sais que je suis quand même très, très mauvaise avec ça. Donc, je vais, en fait, le lâcher. J'imagine qu'il est toujours en mandouillère, de manière autour de moi. Oui, carrément. Il reste pas au sol, quoi. Et je vais aller en fait pour foncer sur elle en sortant mon espadon dans le même temps. Quoi. Ok, très bien. Bah, je vais te laisser me faire un test de corps à corps. Donc de body melee avec une difficulté de 2. Parce que elle est en défense passive. Je vais faire un test aussi d'ailleurs pour Lito. C'est réussi dans un déclencheur. Ok, dans un déclencheur. Lito a fait 3 réussites, dont 3 déclencheurs. Les deux touches. À ce moment-là, on a les deux anabaptistes qui commencent à arriver à son niveau. Elle a compris qu'elle était dans la merde, donc elle a pris le risque d'aller saisir son fusil d'assaut. Malheureusement, ça lui fait perdre un temps précieux. On va pouvoir faire les dégâts d'espadon. C'est vrai que c'était bien quand je m'étais fait le pense-bête où j'avais écrit de base les dégâts qu'il y avait. Je vais faire le calcul très rapidement. Pendant ce temps-là, je propose, du coup, on peut faire l'action de Jacquard. Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Tandis que Mokosh et Lito sont en train de fondre sur Zoé. Bah écoutez, je vais faire la même chose, hein, du coup, okay. De toute façon, il est mort là, ou il est mort dans quelques instants, Mayu. Oh oui, non mais là il est mort, hein. Là il est raide mort. Hein. T'entends encore un léger son strident échappé de sa boîte crânienne, mais tu saurais même pas dire d'où est-ce que ça vient, tellement elle a été déformée. Y'a plus personne qui essaye de rentrer ou quoi, même la porte à côté ou quoi. Y'a Tori qui est en train de débloquer les portes. Bah... À la limite, est-ce que ce serait pas plus utile à bloquer la porte, littéralement, je fais passer le marteau, tu sais, dans les... Comme ça, Tori qui peut se libérer et peut aller vers... Ok, très bien. Vous lui foncez dessus, vous commencez à lui balancer de violents coups à travers le corps. Un coup d'espadon, toi, Mokosh, tu vois. D'un seul coup, tu lui tranches un bras qui commence à voler. Et qui atterrit de l'autre bout de la pièce. Vous entendez à travers son masque, mais un hurlement. Avec la voix transformée par le masque, on a l'impression d'entendre une espèce de bête charnière, un son inhumain qui s'est étouffé, mais pourtant extrêmement fort et aigu. S'échapper de... Comment dire De Zoé. Tandis que... Lito, lui, va la planter à travers le manteau et la lame va traverser jusqu'au flanc et s'enfoncer profondément dans sa chair. Si elle ne meurt pas très rapidement, ses jours sont clairement comptés. Genre là, même si elle vous tuez tous, les blessures que vous avez faites sont mortelles. Il lui faudrait une assistante médicale immédiate. À ce moment-là, Zoé, elle... de son autre bras, récupère l'arme, le fusil, va à un malus, parce qu'elle est dans ses traumatismes, donc elle a subi des blessures trop graves, mais va quand même tenter de vous balayer avec, balayer la zone avec son fusil d'assaut, sur lequel elle ne jette plus que 8 dés. Ok, ça va toucher Lito. Ouh, ah oui, oui, quand même. 12 points de dégâts sur Lito. Ouais, Lito se prend quand même une certaines balles lui atterrissent dedans. D'autres, pareil, finissent au niveau du plafond. Et pour Mokosh, elle va devoir relancer, mais avec 3 dés en moins. Donc, son Mokosh, tu n'as plus d'action, tu peux pas faire de défense active. Hop là, ça rate. Toi, bon, elle a plus qu'un bras. Elle a tiré comme elle pouvait une volée. Lito a été touché, ça va faire mal. On va pouvoir refaire un jet d'initiative. Flux a toujours l'opportunité. Honnêtement, tout peut se jouer. Je vous l'annonce là quand même, tout peut se jouer. Le prochain coup de zoé peut être relativement mortel parce qu'elle a un potentiel qui va se déclencher. Elle a elle aussi une petite capacité. Hésitez pas à mettre la gomme. Le prochain tour va avoir beaucoup de conséquences. Il peut encore se finir de manière entre gros guillemets pacifiste si Flux arrive à vider les points d'ego de Zoé. Si Flux fait 3 déclencheurs sur son test, Zoé c'est cool. Et vous pouvez et à ce moment-là, Torik peut faire les premiers soins. Vous pouvez lui sauver la vie et continuer la discussion passive d'ici quelques semaines. Ouais. Alors. Bon, j'ai quand même un malus à mon initiative là. Oui, bon, la Zoé elle est pas très bien. Je vous laisse tous refaire un dernier test d'initiative. Ce sera le dernier round. Hey. Chloé sera à 4. Chloé, Zoé sera à 4 réussites. Oh, c'est la sœur jumelle. Zoé. Ouais, c'est sa sœur jumelle qui débat. J'en ai que 2. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. 3 réussites dont 2 déclencheurs. Ok, très bien. Ok. 6 réussites dont 2 déclencheurs. Ok. Flux va jouer juste avant Zoé. Ok, parfait. Et Torik, toi, tu m'as dit 2 réussites. Ok. Bon, c'est à la fin. Voilà, Torik. Comme d'hab, en fait. En même temps, comme dit, dès que vous vous déplacez, vous sentez de vieilles blessures, de vieilles plaies, vous avez mal. Ça commence à devenir compliqué. Hein. Là, honnêtement, vous avez fait plus que votre temps. Vous avez pris plus de blessures que l'être humain moyen, le survivant moyen ne pourrait en encaisser. Vous êtes un peu sur une fin de carrière. Mokosh, tu vas être la première à jouer. Yes. Est-ce que tu laisses l'opportunité à Flux de rebalancer une salve ou est-ce que tu tentes de la battre immédiatement? Je pense que je vais la battre immédiatement parce que Flux est quelqu'un de malin, donc je pense qu'il pourra rediriger ça vers qui que ce soit qui pose problème ou vers les portes elles-mêmes si elles s'ouvrent, ça, vu qu'il nous aura très bien. Eh bien, Zoé va tenter une défense active cette fois. Elle va tenter en fait de se laisser tomber en arrière et de rouvrir le battant de la dernière porte que du coup la Victory que je joue après n'a pas encore le temps de fermer. Surtout que du coup, bon, les actions là, tout ce qui s'est passé, ça n'a duré que quelques secondes. Mais du coup, il y a quand même des personnes qui ont entendu et qui débarquent. Il y avait des gens aux portes. Ouais. Donc là, bon. Ok. Ils n'étaient pas là pour rien non plus. Ok. C'est tout une défense. Pour y mêler, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, avec les égos que j'ai mis dans le tour, ouais, oui, c'est vrai. J'utilise tous mes dés des Genesis. Waouh. Parce que tu sais pas. Okay. J'ai fait un très bon test. Pas mal. 6 réussites, dont 2 déclencheurs. 6 réussites, dont 2 déclencheurs. Ouais. Ça ne passe pas. J'ai fait 7 réussites, dont 2 déclencheurs, et une face blanche, et aucune tête de mort. Tu commences à essayer d'abattre ton espadon à son niveau, et en fait, il rebondit au niveau du sol. T'arrives pas à taper assez loin, tu sens une gerbe de sang. Limite t'aveugler, jaillir de ton bras. Au moment... Et en fait, le espadon presque se relâche et s'éclate par terre. À ce moment-là, Zoé est en train de... En fait, les portes ont été ouvertes. Et elle est en train de se laisser tomber en arrière en soulevant son arme des dernières forces qu'elle peut. Lito, lui... J'ai pas fait son test. Lito, lui, il a fait 2. Donc il jouera après Jakar. Et ça va être Zoé et Flux vont jouer en même temps. Et Flux, wow. Je te laisse faire ton test. Allez, Flux, paralyse là. Oui, parce que Zoé a deux actions, c'est ça? Non, là, elle en a plus qu'une. Là. C'était que le premier tour, j'ai fait vraiment un G. Elle était en défense active, donc ça bah donc, un peu comme une action. Elle peut rien faire. Non, là, elle peut rien faire, là. Non, donc en effet, ouais, c'est juste cette Flux de jouer. Ouais, c'est combien d'ego par G pour les gens qui sont pas comme moi? Ils sont pas comme moi. Combien non, vous c'est mettre... 3D maximum. 3D. Okay. Il y a des pointes de fusil qui commencent à se diriger dans votre direction. Combien il reste d'ego à Flux? Je crois que tu les as tous parce que t'en as pas utilisé, je crois. Oui, oui là vous aviez été. Donc tu peux mettre les 3, honnêtement. De toute façon, voilà. 2, d'accord. Ok, parfait. Je vais allumer toutes les lumières et tout ce qui peut produire du son sur ma tenue. Ok. Ouais, c'est vrai qu'ils vont faire la narration pour les spectateurs. Eh oui. Parce que sinon, okay, on est comprendre. Sur deux déclencheurs sur le premier test. Cette fois-ci, tout se déclenche comme il faut. Donc la génériging est bon. Ah ouais. Et deux déclencheurs supplémentaires sur le deuxième test. Sont déjà, les deux tests sont réussis. À ce moment-là, mais une voix, mais un son, mais inimaginable commence à se produire. D'un coup, un flash vous aveugle. Alors que j'étais en train d'écrire les arquebusiers qui balançaient le canon de leur fusil en direction de la pièce et qui tentaient de récupérer Zoé. Un flash illumine totalement l'endroit. Suivi d'un son, mais une détonation. Un bruit, on a l'impression qu'il y a vraiment mais que vous avez l'impression que le bâtiment explose et qui commence à balayer la zone. Vous avez du sang qui coule de vos oreilles malgré les protections que vous auriez pu mettre. Et en face, les membres de la résistance se tordent de douleur. Zoé s'éclate contre le sol totalement inconsciente. Elle lâche son fusil. On va repasser en narration libre. Il n'y a plus de tour d'initiative, etc. Je vais vous demander, vous avez quand même l'initiative, du coup, on va dire générale, sur la situation. Malgré que là, ce qui est en train de se passer est beaucoup plus fort que tout ce que vous auriez pu imaginer, on a presque l'impression d'entendre mais une voix venue d'un autre monde qui est en train de résonner en plein cœur du palais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en profitez pour vous enfuir? Est-ce que vous tentez d'achever Zoé à tout prix? Est-ce que vous tentez de les éliminer? Est-ce que bah, moi, du coup, je suis proche de la porte parce que j'avais ouais. essayé. Oui, ouais, tu étais proche voilà. de la table, ouais, bien sûr. Donc, du coup, je suis proche de Zoé quelque part. Et mais moi, je vais avoir une attitude assez groggy parce que bon, bah voilà, avec tout ce qui s'est passé, je vais quand même balayer la pièce du regard pour essayer de regarder mes amis et. En essayant de parler, mais je sais pas s'ils vont forcément m'entendre, de dire, genre en criant même, qu'est-ce qu'on fait, Zoé? Ouais, tu vois, là, tu dois hurler, ouais. Ouais, je crie en fait, parce que je m'entends voilà, je... Tu te déchires la voix quand tu dis ça. Hein. Le simple fait de hurler te casse la voix totalement. Et je regarde vers vous, en fait. Tout en étant un peu. Qu'est-ce qu'on fait de Zoé? Je sais pas, honnêtement, je sais même pas si on l'entend ou pas, du coup. Je pense que vous arrivez quand même, à lire un peu. Limite, vous le lisez sur ses lèvres, peut-être plus qu'autre chose. Et je la tiens, en fait, je suis à côté d'elle. Voilà, quoi. Ok, honnêtement, si personne ne donne d'ordre, je pense juste que je fais signe à Torik qu'il faut s'en débarrasser. Au moins de celle-là, il faut s'en débarrasser parce que c'est celle qui sera forcément énervée. Moi, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, je regarde Flux. Ok, donc je prends mon dilacérateur et donc la pointe qui est de l'autre côté, en fait, je vais lui enfoncer dans la tête. Ok. Comme dit les autres, de toute façon, l'ont lâché. Toi, tu pointes juste la pointe de ton dilacérateur. Et tu l'enfonces à travers son masque. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, Verrigan et tout, qui étaient endormis, sont totalement réveillés par les bruits stridents et en train de se, se tenir les oreilles et de se rouler par terre. Ok. Je vais Ok, je vais aller vers Flux. Je vais aller me mettre à ses côtés et je vais lui mettre la main sur l'épaule pour lui demander en fait de d'arrêter son attaque sonique. S'il veut bien coopérer. Ok, très bien. Il peut bien. Et en fait, je vais simplement lui dire, ok, il va falloir me faire confiance. Tu vas répéter ce que je te dis assez fort pour que les troupes l'entendent. Enfin, les troupes qui veulent nous attaquer là, l'entendent mais sans que ce soit une attaque. Ouais, avec ta voix. Enfin, tu sais, tu peux moduler, j'imagine. Donc, tu fais une voix forte, genre de haut-parleur, mais sans que ce soit l'attaque sonique. Tu peux le faire, ça, non? Oui, ouais. Voilà. Très bien. Donc, du coup, je vais faire mon petit discours et j'imagine qu'en direct, Flux le répète. Donc, je vais dire. Soldats de la Résistance, ne tirez pas. Regardez autour de vous. Votre chef est morte. Le reste de votre état-major sont nos prisonniers. Regardez à l'extérieur. Vous êtes entourés par assez de troupes anabaptistes pour brûler cette ville au moins 3 fois. Vous avez été vaincus. Sachez que nous ne sommes pas là pour vous réduire en cendres. Si vous coopérez, vous aurez le pardon pour avoir participé à la résistance et vous serez récompensé dans la nouvelle ville que nous allons mettre en place. Vous serez récompensé dans la nouvelle société. Nous n'accepterons pas les maîtres néolibiens. Rendez-vous. Ok, tu vas me faire un test de leadership, voilà, exactement. Je peux mettre des égos ou pas? Bien sûr, ouais. Je vais en mettre 5. Allez, c'est parti. J'ai plus rien, je crois. Ouais. Non, parce que sinon je tombe à 0. J'en ai 3. Parfait. J'en ai 3, je crois, parce que sinon je tombe au chaos. ok. Ça fait 3 réussites dans un déclencheur, c'est pas ouf. Tu m'as dit quoi? 3 réussites dont 2 déclencheurs? 3 réussites dont 1 déclencheur. Ah, 1 déclencheur. Ok. Le reste, on va essayer de le faire un peu plus entre gros guillemets en ellipse. Comme ça, on va s'arrêter sur les coups de minuit. Globalement, ton appel va faire écho. La résistance va faire preuve de résistance, pour le coup. Vous allez être obligé de vous enfermer dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et toutes les troupes un peu autour vont tenter de s'en prendre à vous. À côté de vous gisent les corps de Bayou et de Zoé. Chacun a un côté opposé de la pièce. Il y a juste la table entre pour vous séparer. Pendant ce temps-là, les troupes anabaptiste sortent de leurs cachettes, sortent des sous-sols et des caves dans lesquelles elles étaient terrées, de la campagne environnante dans laquelle elles guettaient, et en effet commencent à investir les rues de la ville. On entend des échanges de tirs à certains endroits, mais en effet, honnêtement, l'équipement que vous êtes en train que vous sortez à ce moment-là, c'est à peu près du jamais vu. Verrican n'avait pas du tout conscience, puisqu'il ne savait pas exactement ce qui se trouvait dans le bunker quand il vous l'avait balancé, parce qu'il y en a plusieurs. Mais ouais, là, vous avez une bonne petite armada qui serait presque capable de faire pâlir un contingent helvétique. Bon, pas à ce point-là non plus, mais quand même. Et assez globalement, le palais va se faire assiéger et la résistance, assez désorganisée sans son chef, va finir par se rendre. Et je vais vous demander ce que vous allez faire, que ce soit de la ville, que ce soit de vos prisonniers, parce qu'actuellement vous avez toujours Callisto de la Nuée Noire et Verrican. Est-ce que, pareil, vous avez également Nestor? Oui, bah... Vous allez les faire prisonniers, les destituer, quoi que ce soit. Quel est votre plan, là, pour la suite, par rapport à Toulon? Honnêtement... Ouais. Derrick a une exécution. Moi, je pense que bon, Nestor et le, je sais plus comment elle s'appelle, la chef de la nuée noire, c'est Callisto. Callisto, bah, on peut les laisser en vie, leur dire. Bon, sur Callisto, elle cherchait simplement des réponses sur Crotal, qui va un peu s'évanouir dans la nature. Je sais pas qui d'autre on peut. On peut tuer ou pas autour de cette table. Non, ouais, bah, juste honnêtement, Verican, mais genre, je pense qu'il faut mettre en place un procès public, quelque chose qui parle de sa corruption et du trésor qu'il avait, ouais. Et puis voilà. Parce que bon, on va quand même pas le garder. Je lui avais promis de le laisser en vie pour le faire exécuter deux semaines plus tard. Mais on, c'est on l'a laissé en vie, mais on l'avait destitué une première fois, il est revenu. Désolé, mais bon. C'est vrai qu'il a un peu joué au con aussi. Il a profité du retour de balance pour tenter de jouer au con, en effet. Donc, ouais. Mais sinon, ouais. Je laisse Flux, qui peut pas s'exprimer à l'oral, mais par écrit, nous expliquer aussi si Yael a des trucs en tête. Notamment par la sécrétie rouge. Honnêtement, qu'est-ce que vous faites déjà au niveau du pouvoir? Est-ce que vous asseyez les anabaptistes au niveau du palais? Est-ce que le palais, vous le gardez? Il me semble qu'à un moment, il était question de le détruire, le palais. Qu'est-ce que vous faites des ferrailleurs, etc. Est-ce Écoutez, vous... moi, je pense qu'on a juste à virer tous les néo-libyens et les de la cour d'argent, et puis... Oui. Et puis on le récupère. On le repeint en noir pour faire plaisir aux anabaptistes, et puis c'est bon. Mais ouais, si on a qu'à... Oui, non, mais les néo-libyens, on les jette dehors. De toute manière, Toulon, c'est... du marais de Rhône jusqu'à la Méditerranée, sera au Toulonie. Hein. Donc... Et moi, en fait, le truc sur lequel je veux insister, c'est surtout que on va pas... Il faut absolument pas laisser la ville comme ça. Je pense qu'on va faire en sorte de rétablir les communications avec le protectorat. Et si tout le monde est d'accord, évidemment, parmi ce groupe-là, ouais. Et leur dire que malgré tout, la mission est techniquement réussie, il revient à eux de réclamer la ville ou non. Mais nous, on a terminé, donc moi, personnellement, j'ai le droit de revenir sur le territoire si j'ai envie. Mes tatouages de mise à mort ne sont plus en. Oui. Hein, voilà, et tout le monde a le droit. Et donc, on leur droit plus aucune dette. Voilà. Après, ce qu'ils veulent faire de la ville, ils en font ce qu'ils veulent. Et puis du coup, t'oublies que de caler ma petite demande que je t'ai demandé. Ouais, j'allais en parler. Il y a Jacker qui avait aussi parlé d'un truc la dernière fois. Il avait dit quoi? Il t'avait demandé quelque chose. Quelque part, petite communauté d'assets, non Il t'avait demandé si ça recrutait chez les anabaptistes. En gros, il voulait quitter les juges. Ah oui, tout à fait. Bah écoute. Ouais, mais du coup, il faut un peu, j'imagine, être couvert par la hiérarchie des anabaptistes pour que les juges puissent accepter que je me casse. Enfin, je sais pas. Ou alors organiser une fausse mort ou quoi. Bref, je sais pas. C'est grâce à moi que la ville est dans les mains des. Principalement des anabaptistes. Ouais. Non, mais en effet, tu pourras communiquer une fois que les brouilleurs, etc., qui avaient été mis en place seront tombés. Tu peux communiquer par radio avec les juges et simplement poser une espèce de démission, on va dire, tu vois. Tu meurs pas parce que tu quittes les juges, hein. Enfin, j'imagine que ça marche pas comme ça. Hein. Non, ça va, eux, ça va. C'est quand même un truc militaire. Oui, mais t'as. Et, en fait, là, il y a surtout le fait en plus que tu sois loin, etc. Donc, tu vois, ils vont rien faire là maintenant. Juste, tu les préviens, tu abandonnes ton marteau au-dessus d'une colline, enfin, tu fais ce que tu veux. Après, si tu veux te faire passer pour mort ou autre, tu peux totalement. Bah après, en soi, t'as fait le job, t'as pas déserté, t'as pas. Oui. Voilà, t'as fait. T'as fait, et tu dis, j'imagine que pour toi, t'as rendu ta dernière justice, quoi. Et s'il faut, de toute manière, t'as déjà le soutien de Lito, j'ai oublié son nom, mais sa nouvelle femme. Qui dirige les forteresses. Attends. Et Nito a sûrement encore des amis en Borca, les anabaptistes là-bas, qui peuvent. Oui. Qui nous doivent bien, hein, vu que bon, voilà. Non, mais c'est sûr, hein. Voilà, après, t'as dignement représenté les juges, maintenant, t'as droit à. J'imagine, hein. Bon bah let's go, hein. Quoi qu'il en soit, moi, de mon côté, je vais... Je me permets de le dire quand même. Il y a quand même aussi la demande de mutation de... Comment ça s'appelle merde, elle est disparue de la sacristie rouge. Où est-ce qu'elle est passée de Delphi. Delphi aussi. J'avais oublié. Est-ce qu'elle vote Dali? Bah, elle est mutée avec moi chez les assets. Dans une ferme... Elle était déjà à 7, mais si je... Oui, mais du coup, je sais pas comment ça marche chez les hospitaliers. Changement de... Oui, parce qu'elle était un peu dépressive, machin. Ouais. Elle était un peu blasée de la situation. Ok, donc, Jacquard et Dali et peut-être d'autres assets ou autres prévoient de s'éloigner un peu de Toulon pour se trouver une petite communauté un peu plus... recluse. En tout cas, c'est le plan, parce qu'il y avoir un dernier événement, un dernier petit imprévu, mais ça, je garde. J'attends de savoir ce que vous avez projeté de faire avant. Bah, moi, après, ce que je disais, hein, c'est que je vais... Comme là, la ville est dans un sale état, hein, mine de rien, il y a des blessés dans tous les coins. Ouais. Je vais essayer de récupérer le maximum d'élèves, de mes élèves, et des anabaptistes... qui soigne, je sais plus, c'est les, ils s'appellent les, ceux qui soignent chez vous, les assets, voilà. Ouais. Pour essayer de soigner le plus de gens possible. Et voilà. Après, si pour l'instant je ne cherche pas forcément à contacter qui que ce soit au niveau de ma hiérarchie. Je suis concentré uniquement sur le fait de rétablir finalement les hospitaliers à Toulon pour que enfin il y ait une vraie médecine et pas des trucs basés sur une magie quelconque qui n'a pas lieu d'être. Même si dans un coin de ma tête, je me demande toujours comment ils ont fait pour soigner mon coach. Mais voilà. Il faut rétablir quand même un peu de la science par ici et c'est ce que je vais m'atteler à faire pour l'instant. Ok. Et si j'ai bien compris, je parle au nom de Flux ici qui ne peut pas parler, mais il souhaite récupérer Saint-Chenil à son nom au moins tant qu'on restera là. Si j'ai bien compris. Ouais, parce que Flux, il a pété son vocodeur à force de tirer sur la corde. Du coup, il est devenu un faune. Ça marche plus. Attends, je cherche un autre truc, j'en ai pour une seconde. Mm-hmm. Et en attendant, je vous laisse débattre entre vous deux qui est au pouvoir du coup de la ville et comment ça s'organise à ce niveau-là. Ouais, le protectorat, il se démerde. Hein. Le protectorat veut venir, il vient, sinon c'est terminé. Hein. Ah bon, moi j'ai envie de dire, on nous a dit, c'est vous qui prenez la ville, mais par contre, on vous laisse pas vraiment le choix de vivre, et en fait, on fait notre truc en mode 2, vous choisissez pas, ben, je choisis pas. Il se démerde. Si ouais, ça va, vous pouvez la laisser le protectorat, ouais, et accomplir votre mission. Voilà. Totalement. Merci, mais même si ce serait quand même pas mal de garder des contacts qui pourraient être intéressants pour l'avenir, à tout le monde. Pas partir comme ça et puis voilà quoi, oublier... On s'est fait des amis, regarde, pense à... Attends... le chef des ferrailleurs est Eisenhower. Ouais. Voilà, c'est nos derniers amis ici. Enfin, après, il y a l'orphelinat, il y a Saint-Chenil et tout ça. Oui, mais bon, voilà, j'imagine que peut-être parmi les gens de la résistance ou quoi, il y a peut-être des gens... C'est un peu chaud la résistance, hein, parce que bon, t'as quand même exécuté... Ouais, mais bon, voilà, s'il y en a qui sont un peu plus raisonnables que les autres, dire qu'on a fait ça pour leur bien. La résistance, honnêtement, majoritairement, alors ceux qui s'étaient juste engagés parce qu'ils savaient pas trop quoi faire et qui globalement sont à peu près d'accord avec la situation actuelle, vont abandonner l'uniforme. Les autres, comprenant bien qu'ils vont juste se faire massacrer jusqu'au dernier, se rendent et entament une migration en direction de la ville de Toulouse, où se trouve l'un de leurs quartiers généraux. Parce qu'ils, j'avais même pas. Ok, ils sont assez forts pour exister ailleurs. Ouais, ouais, ils existent ailleurs. Ils existent ailleurs. Ils avaient quand même pour idée de prendre la Franca. Donc j'imagine qu'ils avaient pas trois, ils avaient pas trois pétards et un couteau, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, les ferrailleurs vont pouvoir reprendre possession de la ville petit à petit. Alors quand je dis possession, c'est pas, ils s'étendent de leur quartier jusqu'à tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est ça, ils s'apprêtent à reprendre de l'activité. Dans les semaines qui viennent, honnêtement, les ferrailleurs vont se mettre à grouiller comme jamais. On prépare de nouvelles expéditions. Il n'y a plus la mainmise des néolibiens sur le marais. On récupère pour l'instant l'huile de Marduk qui était entreposée dans le palais de Hamza. En attendant, ça suffira pour plus tard, on verra. Et ça part déjà lancer une flottitude d'expéditions dans les marais pour les récupérer tout ce que les néolibiens n'ont pas pillé. La nuée noire, de son côté, est en mauvais terme avec vous, mais en bon terme avec la ville en général, et va se reclure, tout en gardant quelques contacts sur place, comme Manon, la tenancière du restaurant, qui leur servait un petit peu de planque. Verikan, lui, sera, comme on le disait, exécuté, et sa milice privée, les bienheureux, vont être dissolus. On ne les retrouvera pas. Les anabaptistes vont donc prendre vachement plus possession de la ville. Ça va globalement bien se passer, parce que la ville elle est remplie de quoi ? Elle est remplie de Toulonnais et de ferrailleurs, et les anabaptistes, c'est des gens avec qui ils s'entendent plutôt bien, parce qu'ils vont pouvoir proposer de l'aide pour cultiver les terres autour, un petit peu ce que vous aviez commencé à mettre en place à l'orphelinat. Et c'est aussi, puisque la ville vivait pas mal des échanges commerciaux, tenter de se nourrir avec autre chose que des navires qui ont traversé la Méditerranée, mais de cultiver simplement des trucs sur place. En plus, franchement, vous êtes dans le bassin méditerranéen, c'est pas le pire endroit pour essayer de cultiver, tu vois. Alors, peut-être pas au bord de la mer, t'évites que la terre soit trop salée, mais tu peux t'éloigner un peu, quoi. En tout cas, voilà, l'idée est de se réapproprier l'espace autour. J'imagine que Lito retourne quand même dans sa forteresse. Oui, je pense. Il n'y a pas spécialement de raison qu'il reste. Ça vous fait quand même un pied à terre à Toulon, de votre côté. Callisto, comme dit pour l'instant, va totalement disparaître. Je pense qu'il y a peu de chances que le personnage revienne. Je pense que je vous révélerai un petit peu. On verra. Parce qu'il y a quand même l'idée de la nuée du phénix, donc il y a quand même ce petit lien-là avec vous, qui pourrait justifier, on verra. Vous savez cependant, en tout cas, que Albatre sera à l'occasion, il y a une rumeur qui va remonter, elle sera retournée au niveau de Bayonne. On l'aura croisée là-bas à un moment, alors est-ce qu'elle est encore en contact avec Callisto ou pas, ça vous n'en savez rien. Renard, elle, se refera refaire les dents et ne pardonnera probablement jamais aux Néolibiens tout ce qui s'est passé. Elle va évidemment participer avec Eisenhower et Nestor à la reconstruction. Eisenhower, a priori pour l'instant, reste dans les ferrailles. Il ne retourne pas dans son trou à rats dans lequel vous l'avez sorti. Daesh, par contre, lui, va repartir. Il n'a pas vraiment pu faire les trucs qu'il avait envie de faire, donc il va repartir dans le protectorat, retrouver ses potes, qui sont donc les membres du cartel. Je ne sais plus si on en avait discuté ou pas de ça. Mais Daesh avait été placé là par le cartel, c'était un peu une espèce de contre-pouvoir au sein des ferrailleurs, mais honnêtement, là, les ferrailleurs ils se sont tellement déchaînés qu'il n'a rien pu faire. Notamment, vous lui avez mis des pieds et des bâtons dans les roues à plusieurs moments. notamment lorsque les faux juges ont débarqué et ont foutu la merde avec le juge Harryville. Du coup, les Spitaliers aussi, guidés par Torik, vont pouvoir reprendre contact avec les Spitaliers de Montpellier et pouvoir commencer à essayer de ravitailler en médicaments la ville. Donc on se trouve quand même sur une fin à peu près positive. Maintenant, va être la question de, en effet, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous restez ensemble, unis ? Puisque là, sur la fin, vous étiez globalement dans un même front, pour une fois, vous alliez ensemble. Ou est-ce que tout ça aura raison de vous ? On voit que Jacquard, par exemple, est tenté à l'idée de se poser définitivement. Moi, justement, à ce sujet-là, j'aurais bien aimé que, genre, une fois que le brouillard de guerre un peu redescend, tout ça, peut-être genre une semaine un peu après, j'imagine qu'on est quand même resté sur place un petit moment, quand même. Que Mokosh, du coup, ait donné rendez-vous un peu à tous les membres du groupe. Très bien. Genre, je sais pas, quelque part dans une des espèces de collines à côté de l'orphelinat où il avait été tenté de faire de l'agriculture. Je sais pas si ça a marché, mais. La sacristie roule. Je sais pas. C'est notre base depuis le début et tout. Ouais, la sacristie roule, si vous voulez, oui. C'est symbolique. Ouais. Voilà. Et du coup, d'organiser ça. Et. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que quand tout le monde sera rentré, elle va commencer un petit discours. Qui est donc le suivant. Bon, je vois que vous êtes plutôt bien remis. Je sais que j'ai cru comprendre que certains d'entre vous, du coup, voulaient peut-être nous quitter, ou en tout cas s'éloigner de nous. J'imagine que la reconversion de Jacquard, de toute manière, nécessitera de passer un petit temps dans les forteresses ou ailleurs. Je ne sais pas si Flux compte rester longtemps à Saint-Chenil. Je ne sais pas où tu souhaites aller, Torik. Mais j'aimerais, avant que vous preniez une décision, que vous preniez en compte le fait que malgré les problèmes que notre groupe a connu, les difficultés à se faire confiance, les difficultés à trouver ne serait-ce qu'un socle commun à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, que vous preniez en compte le fait que, est-ce que vous avez vu de quoi on est capable ? Juste nous. Et pas juste cette fois-ci, mais toutes les autres fois. Je veux dire, moi et Torik et d'autres avons déjà réduit à néant tout un culte d'apocalyptique la nuée du phénix qui voulait absolument détruire toute la Borka. On parle pas genre de l'avoir détruit un groupe d'apocalyptiques comme les autres, que des gens qui voulaient le mal absolu. On a tous ensemble survécu à l'effondrement de la capitale anabaptiste. Et à Bargeist. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques semaines, on a réussi à faire quelque chose qui est, je crois, peut-être pour la première fois, peut-être qualifié de une bonne chose. On a arraché toute une ville entière aux mains d'un empire qui voulait les assoiffer, les affamer. Et bon, le protectorat a ses problèmes, mais je pense qu'on peut dire que c'est peut-être mieux. Donc, je pense que si on trouve notre socle commun, je pense qu'on, avec la force qu'on a tous, on a la capacité peut-être de faire quelque chose de bien. Voilà. Allez vous faire foutre. Tous autant que vous êtes. Quand je vous ai rejoint, je vous ai admiré. J'étais jeune, je vous ai pris comme des modèles. Et oui, on a fait des choses bien. Maintenant, j'estime avoir fait des sacrifices pour ce groupe. Pour certains membres de ce groupe. Est-ce qu'ils me l'ont rendu? Est-ce qu'ils m'ont aidé? Est-ce qu'ils m'ont rendu service dans ma vie? Je ne pense pas. Alors, en ce qui me concerne, toute affaire avec ce groupe est finie. Certains d'entre vous, je peux encore les tolérer. Vous pourrez me rendre visite si vous voulez. Mais d'autres, ils n'y pensent même pas. Et ils savent très bien de qui je parle. Alors la prochaine fois que vous voulez faire copain-copain, muse-muse avec quelqu'un, réfléchissez un peu à ce que vous faites et à ce que vos actes ont comme conséquence sur la vie des gens. Au revoir. Écoute, mon coach, malgré ce que l'on peut penser de des choses que j'ai dû faire pendant notre séjour ici à Toulon, je l'ai toujours fait pour le groupe. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour Flux et quoi qu'il puisse en penser, aussi pour Jaka. Alors oui, je ne dirais pas que j'ai toujours fait les bons choix. Il est vrai que je me suis trompé et je me suis trompé plein de fois. Mais à chaque fois que j'ai choisi quelque chose, je l'ai fait dans le sens de le faire pour vous. Quoi qu'il en soit, j'estime que malgré tout ce qui s'est passé, nous sommes tous les quatre ici présents, vivants. Amoindris, certes, mais vivants. Et ça a toujours été comme ça que, tu sais, Mokosh, que nous avons vécu. Toujours sur la brèche. On a toujours laissé une partie de nous quelque part, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, je suis allé trop loin pour me séparer de mon groupe. Et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Ça finira comme ça finira. Probablement mal. Mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Donc tu peux compter sur moi. Et toi aussi, Flux, si tu décides de rester avec nous. Et lorsque Flux a activé son vocoder de manière incroyable la dernière fois, ça a tout fait sauter. Donc là, il y a des petits problèmes techniques depuis, il va falloir faire une petite maintenance. C'est sûr que... Malheureusement, étant hospitalier, je ne peux pas soigner les vocodeurs. Ce n'est pas de mon ressort, et Flux. Mais ça, tu le sais mieux que moi, et je pense que tu répareras mieux ton matériel que je ne puisse le faire. J'en profite pour dire que peu de temps avant cette réunion, et ça pourra peut-être avoir certaines conséquences ou pas, ce sera à vous de voir. Vous avez reçu la visite de vieux amis. De vieux amis que vous aviez retrouvés déjà une première fois après les événements de Lucatoré. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Fernex et Verena. Donc le chasseur de monstres et la jeune Asset. Qu'est-ce qu'il y a ? Il était de Lucatoré, Fernex. Ouais, c'est ça exactement, vous les avez croisés à Lucatoré la première fois. Eh bien, sachez-le. Toi, Jacquard, tu m'as l'air décidé à faire prendre ta petite retraite haute. Mais si ça se trouve, ça insufflera je sais pas, une lumière, tu me diras comment tu l'interpréteras. Parce que là, actuellement, vous avez plusieurs possibilités. La première, naturellement, ce serait de suivre Flux et de rejoindre... essayer de trouver la dernière partie du disque de Djehame, qui se trouve avec, a priori au nord. La deuxième, ce serait de rester à Toulon et de faire votre vie. Et la troisième piste que je vous lance, c'est Fernex qui va vous l'annoncer. Fernex et Verena qui s'étaient installés du côté de Montpellier, qui sont revenus sur leurs pas suite à une rumeur qui qui parle d'une invasion d'asticots qui se serait abattue sur un village méridional de Mistral. Pourquoi est-ce qu'il s'y dirige ? Parce que les faits et tous les dires qu'on entend en rapport à cet incident semblent indiquer que Barghest serait de retour dans la région. Donc si jamais vous souhaitez en découdre avec le passé et je vous donne cette opportunité là, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre le disque de jamais. Vous pouvez aussi décider de retourner de là où vous venez, tenter de voir si si jamais ça se passe, on ferait un énorme level up, des personnages beaucoup plus puissants, beaucoup mieux équipés, avec beaucoup plus d'alliés, seraient capables de cette fois-ci s'en débarrasser, contrairement à la première fois où vous vous avez laissé pour mort. Pendant ce temps-là, je vais lire le message de Efflux. Efflux qui dit que personnellement, je ne peux rejoindre que la rancœur du juge. Je pense que le groupe a besoin de se concentrer sur justement faire du bien, et je n'ai eu que cette mission dans ma vie, et pour l'instant le groupe ne m'en a plus éloigné qu'autre chose. Je ne souhaite pas me séparer aujourd'hui, mais je signale que je ne continuerai pas à marcher dans vos pas si le groupe continue sur cette route. Ça se comprend, ouais. Flux. Pour ma part, sache que tout ce qui s'est passé à Toulon n'a été qu'une succession de choses plus ou moins imprévues. Tous ces morts, tout ce qui s'est passé là, nous avons été un peu, pour ma part, complètement débordés, et on a agi par instinct, pour survivre. Moi non plus, et je pense que tu t'en doutes bien, je ne suis pas là pour tuer, je suis là pour soigner, donner une chance de vivre plus longtemps. Aider mon prochain. Mais il a fallu que, depuis tout ce temps que j'avance, il y a beaucoup de morts. Maintenant, je me dis qu'on a aussi sauvé beaucoup de vies aujourd'hui, malgré tout. Donc, quelque part, on a fait du bien. Mais oui, je te rejoins. Moi aussi, je veux le bien. Mokosh, bon, je ne te demande pas ton avis, Jacquard, j'ai bien compris que notre route se sépare. Que... Ah, hein, je te le dis, il est parti. Ah oui, bon, bah alors écoute, je dirais que Jacquard, c'était irrécupérable maintenant, mais Mokosh et Efflux, évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Moi, de mon côté, enfin Mokosh, je pense qu'elle va pas s'exprimer particulièrement comme ça. Elle va juste en fait tourner un peu le regard vers, je pense, Efflux, parce que du coup, pour deux raisons, c'est que Efflux déjà a demandé à ce que le groupe fasse le bien, au moins essaye. Donc, je considère que c'est Efflux qui est le plus à même de savoir ce qu'il peut faire le bien. Et deux, parce que Mokosh, je pense pas qu'elle se ferait qu'elle fait confiance à elle-même pour savoir ce qui est bien, donc elle va suivre comme elle l'a souvent fait par le passé. Oui, c'est vrai. Du coup, je me tourne vers Efflux et je lui dis écoute, Efflux, c'est toi qui va insuffler la nouvelle direction de ce groupe. Nous te suivrons dans ton choix. Efflux pense qu'il y a une question à se poser. Voulez-vous rester ici ou reprendre la route? Cela change pas ce que j'œuvrais pour aider ceux qui en ont besoin, mais ceci reste ouvert à la discussion. Je pense que... Enfin, c'est peut-être juste moi qui le pense, mais je pense que peut-être que cet endroit est un peu trop... marqué par nous et par d'autres. Peut-être que si on veut partir sur d'autres bases, ça nécessite de ne plus être là. De partir, de ne pas laisser une trace amère du passé que nous avons créé quelque part. Pas de rancœur. Effectivement. Suivons la route du disque de GMA, mais je veux nous laisser la possibilité de vaguer ici et là pour prendre le temps d'aider les nécessiteux.